Avertissement du traducteur. Comme le père Louis de Grenade, espagnol et religieux de l'ordre de Saint-Dominique, si célèbre par son éminente piété et par ses excellents écrits qui sont entre les mains de tout le monde, vivait dans le même temps du bienheureux Jean d'Avila. Il le connut si particulièrement qu'ayant été témoin non seulement des effets merveilleux de ses admirables prédications et de ses actions dignes des premiers siècles de l'Église, qui l'ont fait nommer l'apôtre de l'Andalousie, mais aussi de sa manière de vivre plus angélique qu'humaine, il ne put refuser au sentiment de son estime et de son amour pour ce saint homme d'en conserver la mémoire en donnant au public l'histoire de sa vie, ainsi il l'a écrite, mais d'une manière si étendue qu'au lieu de la traduire ou de l'abréger, j'ai cru plus à propos de me servir de ce qui m'a paru plus remarquable pour en faire une qui forme dans l'esprit des lecteurs une idée d'autant plus grande et plus vive des grâces merveilleuses que Dieu a répandues dans cette sainte âme, qu'étant fort courte, ils les verront presque toutes d'une vue par le retranchement de tant de choses beaucoup moins importantes. La vie du bienheureux Jean d'Avila. Ce saint homme naquit à Almadovar del Campo, dans l'archevêché de Tolède, son père et sa mère, qui étaient des plus considérables et des plus riches de ce lieu-là, avaient beaucoup de piété et lui seul d'enfants. Lorsqu'il eut 14 ans, ils l'envoyèrent étudier en droit dans l'université de Salamanque, mais peu de temps après, Dieu lui fit la grâce de l'appeler à son service par une vocation très particulière, ainsi il quitta cette étude et retourna chez son père. Comme il ne tenait plus à la terre, il le pria de lui permettre de demeurer dans une chambre séparée du reste de la maison, et ce bon père ne put le refuser à un tel fils. Il fit dans cette chambre une petite cellule où il mena une vie très pauvre et très austère, car il ne couchait que sur des fagots de sarment, il pratiquait une très étroite abstinence, portait le cilier, prenait souvent la discipline, et avait une si grande dévotion pour le Saint-Sacrement qu'il demeurait en sa présence plusieurs heures dans l'église. Un religieux de Saint-François passant par ce lieu-là, et admirant une si grande piété dans une si grande jeunesse, conseilla à ses parents de l'envoyer étudier à Alcalá. Il eut le bonheur d'y avoir pour maître en philosophie le père Dominique de Solo, qui, reconnaissant en lui un excellent esprit joint à une extrême piété, le prit en grande affection. Ce fut là qu'il eut la connaissance de Dom Pedro Guerrera qui fut depuis archevêque de Grenade, et acquit son amitié dont il reçut des preuves en toute rencontre. Ses parents moururent durant qu'il continuait ses études, et après qu'il les eut entièrement achevées, il entra dans les ordres sacrés, et fut ensuite fait prêtre. Il dit sa première messe dans l'église du lieu de sa naissance, et revêtit ce jour les 12 pauvres à qui il donna à manger et les servit à table. Comme il eut une vocation extraordinaire pour la prédication de l'Évangile, Dieu répandit dans son âme toutes les grâces nécessaires pour s'employer d'une manière apostolique à une fonction si importante et si sainte. La première chose que fit ce pieux ecclésiastique pour s'y bien préparer, fut de distribuer tout son bien aux pauvres sans se réserver autre chose qu'un habit tout simple d'une vile étoffe, et il demeura durant toute sa vie dans cette pauvreté volontaire pour accomplir exactement ce que Jésus, Christ recommanda à ses disciples lorsqu'il les envoya instruire les peuples des vérités de l'Évangile. Il ne refusa pas seulement tous les bénéfices qu'on lui offrit, il refusa même jusqu'au moindre présent qu'on lui voulut faire, excepté quelques livres et des ornements nécessaires pour dire la messe, mais il avait autant de charité pour les pauvres qu'il aimait la pauvreté pour lui-même, et ainsi il pouvait dire comme l'apôtre, « Je suis pauvre, et néanmoins j'enrichis plusieurs, tellement que ce fut par son moyen, qu'outre tant d'autres charités qu'il leur procura, l'on fonda un grand hôpital dans Grenade. Reconnaissant l'importance d'avoir un bon guide pour se conduire dans un chemin aussi glissant et aussi périlleux qu'est celui de la prédication, il crut n'en pouvoir prendre un meilleur que ce grand apôtre donné de Dieu pour annoncer la foi aux gentils, sans qu'on pût l'accuser en cela de vanité, puisque cet admirable saint exhorte tous les fidèles à l'imiter comme il imitait Jésus-Christ. Et les effets firent connaître combien le dessein de se proposer un si excellent original lui réussit heureusement. Un très ardent amour de Dieu fut l'une des premières qualités qui, à l'imitation de ce vaisseau d'élection dont Dieu se servit dans la naissance de l'Église pour perler son nom nation, toucher les cœurs des peuples, et les convertir à lui, fit que ce vertueux homme exerça si parfaitement ce ministère apostolique, tellement qu'un prédicateur l'ayant prié de lui donner quelques avis louchant la prédication, il lui répondit qu'il n'en savait point de meilleur que d'aimer beaucoup Jésus-Christ. Il avait une si grande passion pour le salut des âmes, que, joignant à ses prédications ses leçons publiques, ses exhortations particulières, et ses lettres, il travaillait sans cesse pour les faire avancer dans le chemin du ciel, et employait aussi pour ce sujet les disciples qu'il formait et animait du même zèle. Ainsi on fut redevable à ses soins de l'établissement des leçons publiques faites dans les principales villes de l'Andalousie pour enseigner la philosophie et la théologie, et rassembler des théologiens déjà capables de s'appliquer à l'instruction et à la conduite des âmes dans la piété. Ce même zèle le porta à ne rien omettre de ce qui pouvait servir à l'instruction et à l'éducation des enfants, afin de les former dès ce jeune âge, pour pouvoir devenir de bons citoyens et de véritables serviteurs de Dieu. C'est une chose presque incroyable que la manière toute sainte dont il se préparait à dire la messe et à la prédication, et la ferveur avec laquelle il s'efforçait de répandre dans les âmes cette céleste semence de la parole de Dieu, les effets de ses prédications répondaient aux ailes dont il était comme transporté par le fruit merveilleux qu'elles produisaient. Mais si sa consolation d'avoir engendré des enfants à Dieu par le ministère de sa parole le comblait de joie, sa douleur de leur chute, lorsqu'il tournait la tête en arrière, lui perçait tellement le cœur, que l'on ne saurait sans en être touché, voir de quelle manière il l'exprime dans l'une de ses lettres rapportées parmi ses autres œuvres. Comme ce saint homme imitait en cela le zèle de saint Paul et son extrême amour pour ses enfants spirituels, on ne saurait dire lequel de ses moyens pour gagner les âmes était le plus puissant, ou la force de sa doctrine, ou l'ardeur de sa charité, ou la tendresse de sa bonté toute paternelle jointe à une profonde humilité et à une douceur incroyable. Son éloquence accompagnait avec tant de succès ses autres grandes qualités que nul autre prédicateur de son temps n'a eu plus que lui le don de persuader ses auditeurs, et ses admirables lettres produisent dans l'esprit de ceux à qui il les écrivait, tout ce qu'ils pouvaient désirer, parce qu'il était comme impossible de ne se pas rendre à la force de ses raisons appuyées partout de la science de l'Écriture sainte, qui lui était si présente, qu'elle paraissait plutôt être en lui une grâce infuse qu'une connaissance acquise par le travail et par l'étude. Mais rien ne fait en voir qu'il avait reçu de Dieu un don tout extraordinaire pour annoncer sa parole, que ce que ses prédications qui faisaient des effets incroyables pour la conversion de plusieurs, et pour inspirer à d'autres le courage de s'avancer dans le service de Dieu, ne lui donnait point de peine, car il n'employait pas plus de temps à composer ses sermons qu'à les prononcer, sans quoi il lui eût été impossible de suffire à la multitude des occupations que sa capacité, sa charité et sa réputation lui attiraient de toutes parts, et qui lui ont fait donner le nom d'apôtre de l'Andalousie, mais ce qui montre aussi que le Saint-Esprit l'éclairait de sa lumière et parlait par sa bouche, c'est que toute sa peine n'était qu'à s'empêcher de s'étendre trop dans ses discours, tant la source d'où il coulait était abondante. Nul autre prédicateur de son siècle n'a travaillé tant que lui pour le salut des âmes, aussi bien par ses lettres que par ses prédications, et l'on ne saurait trop s'étonner de voir par ce grand nombre qu'il en a écrit de quelle manière il console les affligés, encourage les lâches, échauffe les tièdes, fortifie les faibles, soutient ceux qui sont tentés, déplore la chute des pécheurs, humilie ceux qui s'élèvent par la bonne opinion d'eux-mêmes, découvre les artifices du démon, donne des moyens pour s'en défendre, fait connaître comment on avance ou recule dans la piété, rabaisse les forces de la nature, relève celles de la grâce, représente la vanité du monde, le malheur du péché, les périls dont notre vie est pleine, et avec quelle charité il montre que nous devons fonder toute notre confiance sur la providence paternelle de Dieu et sur les mérites de la vie et de la mort de Jésus-Christ. Comme le mélange des couleurs en rehausse la beauté, le mélange des vertus de ce saint homme le rendait admirable en tout, ainsi autant que sa gravité le faisait respecter, sa modestie et sa douceur le faisaient aimer, la tranquillité de son esprit paraissait toujours sur son visage, son humeur était toujours égale, et il était toujours aussi recueilli en lui, même que s'il n'eût fait que sortir d'une profonde méditation. Dieu avait donné à ce saint homme un si grand discernement des esprits, et rempli pour cela son âme d'une si vive lumière, qu'elle lui faisait connaître ce qui procédait de sa grâce ou de l'artifice du démon, quelques nuages qui pussent les obscurcir, ainsi, lorsque de fausses révélations avaient rendu si célèbre dans l'Espagne une religieuse nommée Madeleine de la Croix, au lieu de s'y laisser tromper comme les autres, il connut et fit connaître à tout le monde que c'était une illusion de cet esprit de ténèbres, et au contraire, Sainte Thérèse n'ayant pas seulement été persécutée, mais accusée devant l'Inquisition d'avoir des sentiments très dangereux, et l'inquisiteur l'ayant renvoyé à ce serviteur de Dieu pour former sur ses avis le jugement qu'il en devait porter, il reconnut qu'il n'y avait rien que de fort saint dans tout ce qui se passait en elle, ce que l'on peut voir aussi par sa réponse à une lettre qu'elle lui avait écrite, et qui est la seconde du second livre, page 106 de l'ouvrage. Que si Dieu avait voulu éprouver cette illustre sainte par d'aussi grandes persécutions que celles qu'elle souffrit, il était bien juste que son serviteur fût traité de la même sorte. Ainsi il se trouva des gens assez méchants et assez hardis pour le déférer à l'Inquisition, disant qu'il enseignait des erreurs, et que par une fausse doctrine il fermait la porte du paradis aux riches, damne inconsidérément tout le monde, et autre chose semblable, sur quoi les inquisiteurs lui défendirent de ne plus paraître en public jusqu'à ce qu'il se fût justifié, mais la fausseté de ces calomnies ayant été vérifiée, elles ne servirent qu'à faire connaître encore davantage sa sainteté, les inquisiteurs lui ordonnèrent de prêcher comme auparavant un jour de fête dans la grande église de Saint-Sauveur de Séville, et toute la ville en témoignait une joie si extraordinaire, qu'elle se fit entendre par le son des trompettes. Ce saint homme avait une grande charité et une affection particulière pour les religieuses, à cause que, les considérant comme les épouses de Jésus-Christ, il se croyait obligé d'avoir pour elles une affection particulière. Le bienheureux Jean de Dieu a été l'une des plus illustres preuves de son admirable conduite, car il l'avait pour directeur, ainsi qu'il paraît par plusieurs lettres qu'il lui a écrites, et qui se voit dans le premier livre de ses lettres. On serait trop long si l'on rapportait ici en particulier combien de personnes de grande qualité touchées par les prédications, les discours, les lettres et les avis de cet homme tout apostolique, ont renoncé aux honneurs, aux plaisirs et aux vanités du monde, pour ne penser qu'à gagner le ciel, mais on ne saurait ne point parler de celle d'entre ces personnes qui a donné sujet à cet admirable traité qui porte pour titre, Odi Philia. Elle s'appelait Sange de Carille, et était fille d'un seigneur nommé Dom Louis Fernandez de Cordoue, ces demoiselles étant près d'aller à la cour pour être l'une des filles d'honneur de la reine d'Espagne. Désira de se confesser avant son départ au saint prêtre Jean d'Avila, et elle fut tellement touchée de la manière dont il lui parla dans cette confession, qu'oubliant toutes les pensées du siècle pour se consacrer à Jésus-Christ, elle embrassa une manière de vie si sainte, et y persévéra si constamment jusqu'à la mort, qu'elle vécut dans la maison de ses parents comme elle aurait pu faire dans un cloître. Ce fut pour la fortifier dans un si louable dessein qu'il fit cet excellent ouvrage, et il l'augmenta encore après qu'elle fut morte. Ce bienheureux homme commença à l'âge de 50 ans, d'être violemment attaqué de grandes maladies, et elles continuèrent durant 17 ans jusqu'à sa mort, mais il les souffrait d'une manière si admirable, que la plus grande plainte qu'on lui entendit faire était ces paroles si édifiantes, « Seigneur, plus de mal, et plus de patience, on ne doit pas aussi oublier une chose très remarquable, qui est que dans la dévotion toute particulière qu'il avait pour le très saint sacrement et la sainte Vierge, quoiqu'il fût arrêté au lit, néanmoins lorsqu'il arrivait des fêtes consacrées à leur honneur, Dieu lui donnait la force de se lever et d'aller prêcher comme s'il n'eût point été malade, et que quelque grande que fussent ses maladies, elle ne l'empêchait pas de prier ou de travailler pour l'utilité du prochain. Il mourut le 10e jour de mai 1569, d'une manière dont, au lieu de rapporter les particularités, il suffit de dire qu'elle répondit à la sainteté de sa vie, et qu'il ne se peut rien ajouter à l'affliction générale que l'on témoigna d'avoir perdu un si grand serviteur de Dieu. Lettre 2, à la Sainte Mère Thérèse de Jésus, Carmelite, sur le sujet des persécutions qu'elle souffrait touchant un livre qu'elle avait fait. La grâce et la paix de Jésus-Christ notre Seigneur soient toujours avec vous, ma révérende mère. Lorsque je commençais à lire le livre que vous m'avez envoyé, ce ne fut pas tant dans la créance d'être capable d'en juger, que dans la pensée que je pourrais, avec l'assistance de Dieu, en profiter, et encore que je ne l'ai pas lu avec autant de loisir qu'il serait à désirer, notre Seigneur m'a fait la grâce d'en recevoir de la consolation, et il ne tiendra qu'à moi d'en tirer de l'avantage. C'est pourquoi, bien que cette première partie fût seule capable de me satisfaire, l'importance de l'affaire et la considération de la personne qu'elle regarde me font prendre la liberté de vous dire quelque chose de ce que je pense sur ce sujet. Ce livre n'est pas propre à tout le monde, parce qu'il y a quelques endroits dont il faut peser les paroles, d'autres qu'il faut éclaircir, et d'autres qui, pouvant vous être utile, ne le serait pas à tous, à cause que les chemins par lesquels Dieu conduit les âmes sont différents. Je les ai marqués, ou au moins la plus grande partie, pour en faire un mémoire quand je le pourrai, car si vous voyez quelles sont mes infirmités et mes occupations indispensables, vous auriez plus de sujet d'avoir compassion de moi que de m'accuser de négligence. J'approuve presque en tout votre manière de raison, je crois que vous pouvez vous y assurer et la suivre, et je trouve dans vos ravissements les marques qu'ont les véritables. La manière de faire que l'âme connaisse Dieu sans l'aide de l'imagination et sans parole ni intérieure, ni extérieure, me paraît fort assurée. Je pense que l'on ne saurait se tromper en la suivant, et saint Augustin la prouve. Ces paroles intérieures et extérieures que l'on croit entendre ont trompé en ce temps beaucoup de personnes. Les extérieures sont les moins assurées, il est facile de juger qu'elles ne procèdent pas de nous, mais difficile de discerner si elles viennent du bon ou du mauvais esprit. Plusieurs marques font connaître si elles viennent de Dieu, dont l'une est si elles sont dites dans un grand besoin que l'on en a ou quelque grand profit que l'on en peut faire, soit pour nous fortifier contre les tentations, ou pour nous rassurer dans nos craintes, ou pour nous avertir de quelque péril où nous courons fortune de tomber, ou autre chose semblable, parce que, de même qu'un homme sage ne dit rien qui ne soit de grand poids, Dieu ne dit rien que de très important. Ainsi, ayant considéré que ce qui est dans ce livre est conforme à l'Écriture sainte et à la doctrine de l'Église, j'estime qu'il vient de Dieu. Les visions imaginaires ou corporelles sont les moins certaines, et l'on ne doit en nulle manière les désirer, que si elles viennent sans qu'on les désire, il faut faire tout ce que l'on peut pour les rejeter, et prier notre Seigneur de ne pas permettre que nous marchions par un chemin qui satisfasse notre vue, mais de nous réserver pour le ciel la joie de le voir et ses saints, et cependant nous faire marcher dans la voie ordinaire par laquelle il conduit ceux qui l'honorent du nom de ses amis. À quoi il faut ajouter les autres moyens qui seront les plus propres pour éviter ces sortes de visions. Mais si après elles ne laissent pas de continuer, et qu'au lieu de porter à la vanité elles rendent les personnes qui les ont encore plus humbles, qu'elles ne leur disent rien que de conforme à la doctrine de l'Église, qu'elles leur donnent une satisfaction intérieure qui se peut mieux sentir qu'exprimer, et qu'elles durent longtemps, on ne doit pas les rejeter, pourvu que l'on ne se fie pas en cela à son propre jugement, mais qu'on les communique à des personnes capables d'en juger. Cette conduite est une règle générale que l'on doit observer dans les choses de cette nature, et espérer de l'assistance de Dieu qu'en se soumettant ainsi avec humilité au jugement d'autrui. Il ne permettra pas que l'on soit trompé dans le dessein que l'on a de bien faire. On ne doit pas s'effrayer ni se hâter de condamner ces sortes de choses, sous prétexte que les personnes à qui elles arrivent ne sont pas parfaites, puisqu'il n'y a pas sujet de s'étonner que Dieu tire du bien du mal, et même des grands péchés, ainsi que je l'ai vu arriver, car qui osera mettre des bornes à son infinie bonté, principalement dans ces sortes de faveurs ? Qu'il ne donne pas au mérité à ceux qui sont le plus fortement établis dans la vertu, mais quelquefois aux plus faibles, et qui, lorsqu'il les fait à une personne sainte, ce n'est pas toujours à la plus sainte. Ce n'est pas aussi une raison de ne point ajouter foi à ces choses ce qu'elles sont si élevées, qu'il me paraît pas croyable qu'un Dieu tout-puissant daigne s'abaisser jusqu'à se communiquer avec tant d'amour à l'une de ses créatures, puisque l'Écriture nous apprend qu'il est amour, et qu'ainsi, n'y ayant rien en lui qui me soit infini, son amour est infini, sa bonté est infinie, ce qui fait qu'il n'y a pas sujet de s'étonner qu'un tel amour et une telle bonté produisent des effets d'amour et de bonté si extraordinaires, qu'ils étonnent ceux qui n'en ont point d'expérience. Car, encore que plusieurs les connaissent par la foi, ils ne sauraient s'imaginer avec quel excès d'amour Dieu traite ceux qu'il aime. Il faut l'avoir éprouvé pour pouvoir le comprendre. Et j'ai vu des personnes se scandaliser de ce qu'on leur en disait, parce qu'étant très éloignées de recevoir de semblables faveurs, elles ne pouvaient s'imaginer que Dieu en traitât d'autres mieux qu'elles, au lieu qu'il n'y a rien de plus raisonnable que de croire qu'étant un ouvrage tout d'amour et d'un amour incomparable, ce qu'il est si merveilleux est une marque qu'il vient de Dieu, puisqu'il est admirable en toutes ses œuvres. Et principalement celle dont sa miséricorde est la source. tellement que ce qui ôte la créance à ces personnes devrait au contraire la leur donner. Lorsque toutes les circonstances que j'ai remarquées sont comme autant de preuves qu'il n'y a rien en cela qui doive causer de la défiance, j'ai vu, ce me semble, dans le livre dont il s'agit, que vous avez résisté à ces visions, et même plus que vous ne deviez, car il paraît que vous en avez tiré du profit, en ce qu'elles vous ont mieux fait connaître votre misère et vos fautes, et porté à vous en corriger, qu'elles ont continué longtemps, et toujours avec avantage pour votre âme, en augmentant votre amour pour Dieu, votre mépris pour vous-même et votre désir de faire pénitence. Ainsi je ne trouve pas qu'il y ait sujet de les condamner, mais plutôt de les approuver, à condition néanmoins de vous tenir toujours sur vos gardes. Principalement s'il se rencontre dans ces visions des choses fort extraordinaires, ou que l'on vous y dise quelque chose qui ne paraisse pas assez simple, car, dans ces occasions et autres semblables, il faut toujours être fort retenu à y ajouter foi et demander aussitôt conseil. Je dois aussi vous avertir, premièrement qu'encore que ces choses viennent de Dieu. Il est si en mêle qui viennent du démon, ce qui fait qu'il faut toujours s'en défier. Deuxièmement que bien que l'on sache que ces visions viennent de Dieu, on ne doit pas beaucoup et s'y arrêter, parce que ce n'est pas en cela que consiste la sainteté, mais dans un humble amour de Dieu et du prochain, et que l'on doit marcher dans les autres choses avec crainte, quoique bonne pour s'appliquer à l'étude de l'amour de Dieu, de l'humilité et des autres vertus. Troisièmement, qu'il ne faut point adorer les personnes qui paraissent dans ces visions, mais seulement Jésus-Christ dans le ciel et dans le Saint-Sacrement, et si ce sont des saints, se contenter d'élever notre cœur vers eux dans le ciel, et non pas vers ce qui les représente à notre imagination dans ces visions, parce qu'il nous doit suffire que ces images nous portent vers ce qu'elles représentent. Je trouve aussi que les choses rapportées dans ce livre arrivant en ce temps à d'autres personnes, avec certitude qu'elles viennent de Dieu, il n'y a pas sujet de s'étonner que sa main, qui n'est pas raccourcie, fasse encore aujourd'hui pour sa gloire, à des créatures fragiles, les mêmes grâces qu'elle a faites en d'autres siècles. Continuez donc, ma mère, de marcher dans la voie où vous êtes, mais avec appréhension d'y rencontrer des voleurs, enquérez-vous toujours du chemin, afin de ne vous point égarer, rendez grâce à notre Seigneur de vous avoir donné son amour, la connaissance de vous-même, le désir de faire pénitence et de porter votre croix, et ne vous mettez pas beaucoup en peine de tout le reste, que ce ne soit pas néanmoins avec mépris, puisqu'il peut y avoir des choses qui viennent de Dieu, et que celles qui n'en viennent pas ne vous sauraient nuire, pourvu que vous ne fassiez rien sans conseil. Je suis dans une si grande faiblesse, que je ne saurais attribuer qu'à vos prières la force que j'ai eue de vous écrire ceci. Je vous demande, au nom de notre Seigneur, de le prier pour moi, il sait l'extrême besoin que j'en ai, et je ne doute point que cette raison ne suffise pour vous porter à me l'accorder. Permettez-moi, s'il vous plaît, de finir, parce que j'ai d'autres lettres à écrire. Jésus-Christ soit glorifié de tous et en tout, ainsi soit-il. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, à Bémigne, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.